Chapitre 2. Un empereur. C'était dans la dernière année du IVe siècle, ouvert par l'empereur Constantin et fermé par l'empereur Théodose. Arcadius, jeune homme de 22 ans, tenait les rênes ou plutôt portait la couronne de la partie orientale de l'Empire romain. De la mer Adriatique à l'Euphrate, des cataractes du Nil jusqu'au Danube, les peuples obéissaient à son sceptre. Les contrées les plus florissantes et les plus riches lui payaient le tribut de leur trésor, des produits de l'agriculture, des arts et de l'industrie. L'Orient n'était pas alors ce qu'il est devenu peu à peu sous les fils de Mahomet, sous le règne du Croissant et du Coran, une ruine chaque jour grossissante. Il était à l'apogée de sa gloire et par conséquent près de son déclin. Deux ennemis mortels travaillaient à sa perte. Au dehors, les flots des nations barbares qui, dans trois parties du monde, en Afrique, en Asie et en Europe, menaçaient ses frontières. Et au dedans, la profonde perversion des mœurs, engendrée dans la suite des siècles par un paganisme sans frein, sans règles et sans morale, corruption qui, dans le christianisme naissant, n'avait encore atteint que des individualités sans s'infiltrer dans les masses. Du premier de ces deux ennemis mortels, Arcadius n'en avait des nouvelles qu'autant que les barbares du Nord, les Goths, le menaçaient jusque dans sa capitale. Quant au second, il le favorisait en quelque sorte, sans s'en apercevoir, car il l'entretenait dans son propre palais et auprès de sa personne, sous la forme du favoritisme. Il n'y avait plus de loi. Tout était vénal, la justice, les emplois, les dignités, les distinctions. Tout s'achetait par l'or et la flatterie des mains du favori. Ce qu'il y avait de vil et de commun dans la société s'élevait ainsi au sommet de l'échelle et les plus capables vivaient dans l'oubli volontaire ou forcé. L'abaissement des caractères se trahissait à des symptômes irrécusables. L'argent, le luxe et les plaisirs étaient les idoles auxquelles on sacrifiait aussi librement que si les tombes des divinités païennes avaient encore été debout. Pourtant, Arcadius n'était ni un méchant homme ni même un jeune homme frivole. Il avait de la douceur, de la bonté, des mœurs pures et une certaine piété. Mais il était d'un caractère si faible qu'il n'eut jamais la force de prendre une résolution personnelle. Et il resta toute sa vie en tutelle, moins par défaut d'intelligence que par manque de volonté. À vrai dire, il est difficile de devenir un homme quand on a été comme lui, empereur d'Orient dès l'enfance, et comme tel, traité avec ce respect idolâtre auquel les Romains dégénérés s'étaient habitués, alors qu'ils tremblaient devant des dieux tels que Néron et Héliogabale, respect que les Orientaux portaient à leur souverain. Ce qui forme les caractères énergiques et leur donne la trempe, ce sont les coups de l'adversité. Ce qui fortifie le cœur, ce sont les épreuves et les peines, véritable présent du ciel pour quiconque en sait connaître le prix. C'est ce qui avait totalement manqué au jeune Arcadius. Sa mère était morte de si bonne heure qu'il n'en avait pas ressenti un bien vif chagrin. La foi qu'elle lui avait inculquée, il y restait fidèle, mais sans en retirer de fruit pour sa vie. Son père avait passé de longues années loin de Constantinople, tantôt en Italie, tantôt dans les guerres contre les Goths. Son précepteur Arsenius, homme de grand talent et de beaucoup de caractère, voyant ses efforts paralysés dans cette atmosphère de courtisans et de flatteurs, quitta la cour et se retira auprès des solitaires de l'Égypte. Arcadius tomba ainsi dans les mains de ceux qui, au lieu de lui apprendre à gouverner, n'avaient d'autre but que de gouverner à sa place. Il se contenta de ce rôle, s'y tint sans opposition, et laissa s'accomplir, malgré sa douceur de caractère, les actes les plus odieux et les plus grands méfaits. En ce moment, il était en proie aux contrariétés les plus pénibles. Le désaccord qui régnait entre son épouse et son favori s'accentuait de plus en plus. Il ne pouvait calmer l'un sans irriter l'autre, terrible alternative. S'il aimait la belle Doxia de toute la tendresse de son âme, il regardait Eutrope comme le serviteur le plus fidèle de son empire. Eudoxia était malade, malade de chagrin et de colère au sujet des offenses qu'elle avait récemment essuyées de la part du tout-puissant favori. Il s'en vengeait sur l'empereur. Depuis 3 jours, elle était invisible pour tous, même pour lui. Elle l'avait fait prier de lui accorder quelques jours de calme et de solitude pour se remettre de l'humiliation qu'elle venait de recevoir. Cette retraite d'Eudoxia dans ses appartements intimes, ce chagrin, ce désaccord, jetait l'empereur dans la tristesse et plongeait toute la cour dans la consternation. C'était par une belle journée d'été, à l'heure où le soleil s'approche du couchant. Arcadius se promenait le long d'un portique sur la terrasse la plus élevée de son palais. Ce portique était fermé à l'ouest. Au mur étaient attachées des cages gigantesques qui alternaient avec des buissons odorants, de sorte que les oiseaux, sous les barreaux dorés de leur prison, chantaient et gazouillaient au milieu des bouquets de verdure et de fleurs. À l'orient, le portique était ouvert et porté par des colonnes, pour ménager une vue splendide sur la ville, sur la campagne et sur la mer. Le palais impérial était à l'extrémité de Constantinople, du côté des terres et sur la hauteur. Le palais Constantin se trouvait à l'extrémité opposée, du côté de la mer, à l'endroit où le Bosphore débouche dans la Propontide. Entre ces deux points, la ville avec ses superbes monuments s'élevait en amphithéâtre, depuis la mer jusqu'au plateau. Au-delà du Bosphore s'étendait la côte florissante de Bithynie, avec la Chalcédoine en avant et à l'arrière-plan l'Olympe avec sa pyramide de neige éternelle. La nature avait prodigué ses richesses dans ce tableau. Il semblait qu'elle eût jeté à profusion ses trésors et ses bijoux. Du côté des terres, c'étaient les forêts de chênes de la Thrace avec leurs sourds bruissements. C'étaient les platanes et les noyers, dont les épais feuillages ombrageaient les villas répandues tout autour de la ville. C'était la grande route impériale qui se dirigeait vers Thessalonique, où les empereurs fixaient quelquefois leur résidence, et plus loin vers l'Adriatique et l'Occident. Mais les yeux d'Arcadius n'étaient pas tournés de ce côté. Ses regards ne sortaient pas de l'étroite enceinte dans laquelle il allait et venait, et le brillant spectacle d'un magnifique coucher de soleil ne lui arrachait aucun sourire, n'attirait point son attention. Devant lui, cependant, se dressaient l'éblouissante crête de l'Olympe, dont la cime enflammée par les derniers rayons du soleil ressemblait à un rubis étincelant suspendu entre le ciel et la terre. À ses pieds, les îles répandues dans la Propontide brillaient comme des pierres fines dans un bassin d'argent. Il semblait convier aussi aux douces joies de la nature les myriades de canaux et de nacelles qui sillonnaient d'un côté à l'autre la surface liquide. Mais rien n'arrêtèrent leurs fiévreuses activités, et les barques légères glissaient toujours, sans s'arrêter plus qu'Arcadius aux beautés de ces riantes petites îles. Quand, par hasard, ses yeux se tournaient vers la Bithynie, il prenait une expression plus sombre encore, car de ce côté, dans l'Asie mineure, le goth Tribigild ravageait ses états, et Léo, qui commandait en chef les légions impériales, était-il en état de lui tenir tête et de le vaincre? La guerre, partout la guerre. Dans son palais, dans l'Empire, guerre avec ses amis, guerre avec ses ennemis. Il avait bien raison de s'attrister, le pauvre empereur. Un autre eût cherché à sortir de cette crise, un autre eût fait un pas dangereux, peut-être même un pas funeste, mais au moins un pas. Arcadius en était incapable, la situation le dominait. L'extérieur d'Arcadius n'avait rien d'agréable. Un vilain visage prend quelquefois un charme irrésistible sous l'impression de grandes pensées et de sentiments élevés. Mais ses traits de lumière ne brillaient jamais sur sa figure, et rien n'en pouvait faire oublier la laideur. Il était de petite taille, de chétive apparence, et son maintien n'avait aucune dignité. Pas la moindre trace de cette noblesse et de cette majesté qui distinguaient son père, et qui, en lui conciliant les respects et la confiance de tous, mettait l'empereur et tous ceux qui l'approchaient à leur place naturelle. Arcadius portait une tunique de soie blanc jaunâtre, avec de légères broderies d'or et des bottes courtes de couleur rouge-pourpre. Cette chaussure était la marque distinctive de la dignité impériale. Il n'appartenait qu'au souverain de la porter dans toute l'étendue de l'Empire. C'est à cet insigne que, 10 siècles plus tard, on reconnut le triste sort du dernier empereur romain d'Orient. À la prise de Constantinople par les Turcs, Constantin Paléologue tomba sous leurs coups et fut enseveli sous un monceau de cadavres. On le chercha parmi les morts. Des bottes rouges attirèrent les regards et firent découvrir le corps du dernier empereur romain d'Orient. Arcadius continuait sa promenade sur la terrasse. Il était seul, mais à quelques pas de là se tenaient des chambellans de divers grades, tout prêts à paraître au moindre signe de leur maître. L'empereur frappa dans ses mains. C'était la manière la plus ordinairement employée pour appeler. Un chambellan monta précipitamment l'escalier en marbre qui menait à la terrasse, mit un genou en terre, reçut les ordres du monarque, qui voulait voir Elpidius, et disparut aussi silencieusement et aussi légèrement qu'il s'était montré. Pendant cette promenade solitaire et monotone, le visage d'Arcadius prenait de plus en plus cette expression mélancolique assez ordinaire à ceux qui, instinctivement plutôt que consciencieusement, se sentent incapables de sortir de la sphère et des conditions vulgaires de l'existence. Au bout de quelque temps, un homme se montra au pied de l'escalier. Arcadius l'appela d'un geste amical. C'était Elpidius, un parent de Théodose, espagnol comme lui, et qui, à cause de cette parenté et de la faveur que le grand empereur lui avait témoignée, était resté dans les bonnes grâces de son successeur. Elpidius était dans la trentaine. C'était une tête noble et vive. On aurait pu lui donner pleine confiance, sans une certaine dureté qui assombrissait quelquefois son visage. Son costume était riche. Il portait la tunique de soie jaune clair avec ourlet et ceinture brodée d'or, et par-dessus un large manteau blanc. Des agrafes d'or en forme de tête de lion assuraient l'attache de son épée et ajustaient ses bottes à sa jambe. Il gravit les marches d'un pas dégagé et salua l'empereur par la génuflexion d'usage. « Eh bien, Elpidius, comment vont les choses ?» demanda Arcadius d'un ton lent et hésitant. « Les nouvelles sont incertaines, sire. Le peuple phrygien doit être en plein soulèvement. Mais est-ce pour ou contre les Goths ? Voilà ce qu'on ne sait pas. » « Oh, ces Goths ! N'entendrai-je donc plus parler d'autre chose que des Goths ?» fit Arcadius d'un air mécontent. « Vos affaires, Elpidius, c'est à cela que je pensais. »« Mes affaires ?» fit celui-ci, et un éclair de colère brilla dans ses grands yeux pleins de feu. « Regardez devant vous, sire. L'Olympe qui se dresse là-bas est son frère. Il porte son nom, il a sa beauté, et son froid de glace que rien ne peut adoucir. » La comparaison pèche par un point, Elpidius. L'Olympe s'illumine aux rayons rosés du soleil, tandis qu'Olympia ne connaît que la tristesse et l'ennui. Elle peut changer sa vie d'un seul mot, mais ce mot elle ne le dit pas. Un pareil entêtement est-il supportable de la part d'une femme? Où irait le monde si les femmes voulaient toujours faire leur volonté? Le monde irait où Dieu le pousse, mon cher Elpidius, car en fin de compte l'humanité, hommes et femmes, ne va pas plus loin qu'il ne plaît à Dieu. Entre ces extrêmes limites, le champ est vaste et l'initiative individuelle peut se livrer carrière pour le bien comme pour le mal. Je croirais donc, sire, que la conduite d'Olympia n'est pas d'un bon exemple. Elle vous tient tête à vous, César Auguste. Arcadius tourna négativement la tête. « La passion vous aveugle, » dit-il. « Olympia est une âme noble qui ne connaît pas l'arrogance. Je ne sais comment il se fait que j'ai pensé à elle. C'est à cause d'elle que je vous ai fait appeler Elpidius, car elle me fait peine. » Croyez-vous par cette voie arriver à votre but et forcer sa volonté? Je veux le croire, fit Elpidius. Vouloir serait excellent, vertueux même, s'il s'agissait d'un des dogmes obscurs de notre sainte Église, répondit Arcadius avec une légère pointe d'ironie. Mais dans le cas qui nous occupe, la volonté n'est point à sa place. C'est une usurpatrice, et elle devrait laisser à la raison le soin d'apprécier sainement la chose. Ne pensez-vous pas comme moi? Je pense, répondit Elpidius froidement, que trop a exprimé vos vues, sire, lorsqu'il a dit qu'Olympia donnait un exemple dangereux en dissipant sa fortune pour les églises, les prêtres, les nonnes et les moines, les hôpitaux, les cloîtres, et tous ces établissements de tout nom qui engloutissaient ses revenus. Dans ce temps de guerre et de troubles, il y a beaucoup de veuves, beaucoup de mères dont les fils ont perdu la vie dans les rangs de votre armée, sire. Sera-t-il permis à Olympia, cédant à des accès de sombre piété, de rendre sa fortune improductive, stérile pour l'État, et de la gaspiller en aumônes inconsidérées? Les femmes sont des têtes excentriques. Dans leur propre intérêt, on doit leur opposer des barrières, leur épargner des regrets dans l'avenir et ne pas souffrir que les sources du bien-être public soient taries, que les canaux de la fortune soient détournés de leur cours. N'était-ce point là vos vues, sire? Et si elles étaient telles, pourquoi ont-elles changé? Quoi que vous disiez, Elpidius, répondit l'empereur d'un air triste, je trouve qu'il est dur pour une dame comme Olympia, qui a toujours brillé par l'éclat de ses vertus et la noblesse de ses sentiments, de se voir en tutelle comme une folle, et d'être privée même de sa liberté personnelle. Elle s'est conduite assez mal envers vous, mon auguste maître, pour mériter cette punition. « Oh, contre moi !» dit l'empereur, d'un ton qui montrait combien peu il était habitué à attacher de l'importance à ce sujet. « Certainement contre vous, sire. Vous avez daigné appuyer ma démarche auprès d'elle. Vous avez donné votre auguste protection à votre cousin. Un homme qui est son égal par la fortune et la naissance, et elle me dédaigne, et en moi l'empereur, la volonté impériale, quand des milliers d'autres se seraient sentis honorés, quand des milliers d'autres se seraient empressés d'obéir à la majesté impériale, elle s'y refuse. Mais avec quelle humilité! Oh, mon auguste maître, si vous voulez donner de l'importance aux paroles, vous devez interdire les actes, s'écria Elpidius, car trop souvent le mot et le fait forment un contraste tranchant, et l'arrogance se cache sous les paroles les plus humbles. Pas chez Olympia, Elpidius, elle a conservé des sentiments très humbles. Comment cela ? Demanda Elpidius avec curiosité, en même temps qu'une lueur d'espoir passait dans ses yeux. Dépouillé de l'administration de ses biens, réduite à ses simples revenus et placée jusqu'à 30 ans sous la tutelle du préfet de la ville, qu'a-t-elle fait ? L'avez-vous oublié ? Je ne sais pas quelle est votre pensée, sire, répondit Elpidius avec humeur. Olympia m'écrivit alors pour me remercier de conserver ses biens, parce qu'elle craignait déjà depuis longtemps de tomber dans la vanité et l'amour-propre, comme cela arrive facilement quand on fait de grandes aumônes. Assez, Elpidius, cette femme me paraît admirable, et je vous ai fait appeler pour vous demander si vous aviez quelque espoir d'arriver à votre but. En cas contraire, s'il ne serait pas plus convenable et plus généreux de renoncer à toute pression sur une faible femme. Comme vous l'ordonnez, sire, répondit Elpidius avec un calme apparent. Que j'espère ou non, cela importe peu. Ce qui l'importe de voir, c'est que vous désapprouvez la conduite qui a été tenue jusqu'à présent à l'égard d'Olympia. Je renonce donc à toute tentative, mais seulement à la condition que votre majesté me fera la grâce de faire connaître sa volonté à Eutrope, afin qu'Olympia soit réellement libre. Je considérais la chose un peu autrement, dit Arcadius embarrassé. C'est à cause de vous qu'elle a été inquiétée. Par conséquent, c'est de vous que doit venir l'initiative du contraire. Soyez donc assez bon pour dire à Eutrope que vous êtes fatigué d'une tentative ingrate et que vous désirez qu'Olympia soit délivrée de la tutelle. Auguste maître, s'écria Elpidius, quand je consentirais pour vous plaire à dire ce mensonge, votre majesté ne doit pas ignorer qu'il ne trouverait aucun crédit auprès d'Eutrope. Eutrope n'obéit qu'à vous. Épargnez-moi donc l'inutile humiliation de dire le contraire de ce que je pense et parlez vous-même de cette affaire avec Eutrope. » Le visage de l'empereur s'assombrit plus encore à l'idée de se mettre en opposition avec son favori, devant lequel il se sentait sans force et sans volonté. Il changea brusquement de discours. « Comment se fait-il que les nouvelles de Phrygie soient si incertaines ? Il n'est cependant pas bien difficile de savoir si le peuple s'est soulevé pour ou contre les Goths. Les courriers impériaux connaissent bien certainement l'état réel des choses, mais on n'en a donné aucune nouvelle officielle, peut-être pour ne pas exciter la population. La situation serait-elle si mauvaise, Elpidius ? Demanda l'empereur avec vivacité. Votre majesté le saura mieux que moi, car ce n'est pas à moi que les courriers viennent rendre compte de leur message, répondit Elpidius froidement. J'ai quelquefois craint, dit l'empereur d'un ton timide, que Léo ne fût pas homme à tenir tête à Tribigild. Cette crainte est presque unanime, répondit Elpidius. Ce n'est point pour son courage et son habileté qu'on l'appelle l'Ajax de l'Orient. C'est uniquement à cause de sa haute stature et de sa force corporelle. Mais quand les qualités morales font défaut, ses qualités physiques n'ont aucune valeur. C'est assez, Elpidius, je vous remercie. Et je vous prie de prendre en sérieuse considération le désir que je vous exprimais au sujet d'Olympia. » L'empereur fit de la main un geste de salut qui signifiait qu'il voulait être seul. Elpidius s'éloigna avec les mêmes marques de respect qu'il avait données en arrivant. Mais ses témoignages n'étaient qu'extérieurs. Dans son fort intérieur, il estimait assez peu Arcadius pour croire que Trope l'avait amené à ce nouveau courant d'idées, et cela dans des vues d'intérêt personnel. « Il veut m'éloigner d'Olympia, l'odieux favori !» murmura Elpidius. Ensuite, il cherchant un prétexte pour l'accuser de haute trahison ou d'un autre forfait quelconque, qui, s'il n'est pas puni de mort, entraînera pour elle l'exil et la perte de sa fortune, et cette fortune tombera dans le gouffre de sa cupidité. C'est ainsi qu'il agit à l'égard d'Abondantius et de Timasius. C'est pour cela qu'il pousse l'empereur à m'engager à quitter librement la place. Car sans cela, comment Arcadius aurait-il eu cette idée ? Mais qu'importe. Que cette idée vienne de trop ou non, je n'y donne pas les mains. Arcadius continua encore un peu de temps sa promenade. Ce n'était pas Eutrope qui lui avait inspiré ses sentiments bienveillants pour Olympia, c'était Eudoxia, mais indirectement et sans le vouloir. Sa manière de supporter une mortification formait un contraste si choquant avec l'humble résignation d'Olympia en but à l'injustice la plus révoltante qu'elle fit réfléchir Arcadius. Il pensa qu'il devait réparer son tort envers Olympia afin de s'attirer par là le secours du ciel en vue de sa réconciliation avec Eudoxia. Mais se sentant sans volonté en face d'Eutrope, il désirait amener son tout-puissant favori à ses sentiments par l'organe d'Elpidius. Il n'était pas habitué à peser les choses et à les examiner sous leur vrai jour et dans toutes les circonstances. Quelquefois il s'en rapportait à son humeur. Ordinairement il s'abandonnait aux suggestions passionnées d'autrui, Il n'avait donc point de base pour asseoir ses jugements et se déterminer à agir ou à s'abstenir dans les différents cas. En ce moment, il désirait le rétablissement d'Olympia dans ses droits, et en dépit de l'invraisemblance flagrante aux yeux de la réflexion, il considérait cette réintégration comme une chose faite. Cette pensée le soulagea, car en suivant ses inspirations, il n'avait jamais fait de peine ni de tort à personne. Il releva la tête et regarda plus librement devant lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur la superbe ville qui s'étendait à ses pieds. Les merveilles y étaient entassées l'une auprès de l'autre. L'empereur Constantin avait voulu, en fondant sa capitale, rivaliser avec Rome, surpasser Rome et faire de Constantinople ce que des siècles de gloire et une longue suite d'empereurs avaient fait de Rome. Le palais de Constantin était d'une richesse féerique. On eût dit la demeure du prince de la magie. Le forum de Constantin, entouré de salles et de colonnades ornées de statues en porphyre, avait au centre, comme le forum de Trajan à Rome, une superbe colonne de porphyre enrichie de couronnes de laurier en or. Cette colonne élevait dans les airs à une grande hauteur la statue dorée de Constantin, qui en ce moment brillait comme un météore aux dernières clartés du soleil couchant. Dans le vaste hippodrome, où se faisaient les courses de chars, on voyait réunis les objets d'art les plus célèbres empruntés aux premières villes de l'Empire. Rome à elle seule avait fourni 60 de ses plus belles statues de marbre. Alexandrie, ses plus beaux obélisques en granit rose. Delphes, le monument de la victoire de Platée. Trois serpents entortillés, dont les têtes portaient le célèbre trépied. Athènes, le chef-d'œuvre de Lysippe. Les quatre chevaux de bronze qui se trouvent maintenant au-dessus du portail de l'église Saint-Marc à Venise. D'immenses aqueducs, élégamment construits, reliaient la ville avec les monts de Thrace, si riches en forêts et en sources limpides, et amenaient dans les fontaines une eau fraîche et abondante. Des bains magnifiques, installés avec un luxe somptueux, étaient ouverts à tout le monde, même aux pauvres. D'immenses greniers d'abondance, approvisionnés par les marchands de blé d'Égypte, mettaient gratuitement le blé à la disposition du peuple. Mais cette magnificence qui entourait tout ce qui touchait au bien-être matériel était encore surpassée par deux monuments religieux que Constantin éleva en l'honneur du Christ et de ses disciples, l'église Sainte-Sophie et l'église des Apôtres. Dans cette dernière se trouvaient les statues des apôtres en porphyre et à leurs pieds le tombeau impérial, car le tombeau s'ouvre aussi pour les puissants de la terre et change à jamais leur pourpre en poussière. Cette sombre tombe s'était depuis longtemps déjà fermée sur le grand monarque. Il avait passé comme un météore dans la vie. Arcadius porta ses regards de la brillante statue du cirque vers l'église des apôtres. Lui aussi avait de superbes statues dans toutes les grandes villes de son empire. Lui aussi descendrait dans le tombeau impérial. Par quelle voie y allait-il? Il détourna ses pensées et ses regards vers la porte d'or. Cette porte était du côté des terres, non loin de l'Hebdomon. Elle s'ouvrait sur la grande voie militaire qui se dirigeait vers l'Occident. C'est par cette porte qu'entraient les empereurs quand ils revenaient de leur victoire. À une entrée triomphale de Théodose, on l'avait couverte de plaques d'or. Arcadius n'avait jamais goûté la joie de passer en victorieux sous la porte d'or, et sa vue ne faisait qu'éveiller en lui des souvenirs pleins d'amertume. Un frisson d'horreur le fit tressaillir, il quitta la terrasse et rentra dans ses appartements.